일단 검은 있어. 일단 남고 시네마 또 가. Gagner pour plein d'héros, à la voisine, à la guine. Maintenant je me fais tous ces guignols, c'est des gangriers qui font de la trappe. La rue, la fin, tu connais quoi? Et d'ailleurs, tu connais qui? Parce que perso, je te connais pas. Moi, j'ai un sac en arbre, et si ça tient, c'est banal. Ma peur de la banalité, de binou, un binôme, un euro pour pas traquer. Arrête ta fille, trop t'affauter, ça va te souffler. Tant ta maman, nous traite mignon, fais pas de manière, j'suis le manie, vieux, j'suis le manie, rien. J'suis le manie, j'suis le manie, faut pas bailler, faut pas baisser. J'ai rentré, c'était la guine, maintenant à 4 mon César. Ma ville là sur la côte, moi qu'avec la côte de poids, c'est pas cahier, pas la faute, c'est ta posture, j'ai pris dans la main et t'es posé sur du rire. La fois la monture, c'est une vie, cette façon risquée dans la vraie, c'est la ratée. Au bras gauche, montez tout seul pendant que t'écoutes et t'es mignon. La soie le gros, c'est parti, pour toi, il est l'heure de partir. Tu m'as livré, tu m'as dit rien, c'est pas galère, trop pendéro. Zéro gars, c'était la guine, maintenant à 4, je mon César. Ma ville là sur la côte, moi qu'avec la côte de poids, c'est pas cahier, pas la posture, qu'est la posture, j'ai pris dans la main et t'es posé sur du rire. La soie la monture, c'est une vie, cette façon risquée dans la vraie, c'est la ratée. Au bras gauche, montez tout seul pendant que t'écoutes et t'es mignon. La soie le gros, c'est parti, pour toi, il est l'heure de partir. Le petit bandier qui est chaouf, j'ai un arme à rythme et une baie. Il a déjà tiré des balles, je ne parle pas d'un ballon de foot. Sur le terrain, il fait pas de faute, c'est des cartons rouges directs. Et sur le déco, tu comptes tes mains, coûte sur personne pour de la maille. Pour Bendero et avec maman, et Luna l'a pas lâché. Tout le reste, gros, c'est des lâches, ce sont sans lynchage. Aujourd'hui, ils me l'allègent tous, ils se tassent tous pour faire la queue. Moi qu'avais quasiment rien, j'ai failli gâcher ma vie. Et vis-moi le chapitre de coup du chapeau pour Bendero. 3 chapitres pour 3-0, la squad les Azera. Coupe la fois la Zizou et toute ton équipe Zozo. Moi mes gars, sur son ton zonzon, c'est des zinzins, c'est pour Zozo. Sois sa rasin, guette le maillot. Dans le rap, c'est moi le milieu. Mani Moha, il fait le million. Il est pas là pour des milliers. La rue, la vraie, elle m'a gonflé. Toi dans ma rue, ça t'a giflé. Donc fais gaffe à ce que tu dis, parce que perso, moi j'ai des doutes. Beaucoup sont fous et c'est un fait. Toute l'année, rien qu'il te dupe. Moi, ma dope les a frappés. C'est du frais, zéro mytho. Un doigt pour les matons. Ma traiton, y'a plus Moha. C'était pas gagné pour ce petit gars. Mais ce bon Zagazelra. Remballe tes gosses qui shootent la flûte pour qu'a fait de son anif tout seul. Si seulement tu savais, la liberté, c'est savoureux. Ça vaut la scolaire et pas tout. Dis-toi que c'était pas gagné. Que le marron, c'était mon gagne-pain. Aujourd'hui, je me fais le parrain. Tu m'as dit, tu m'as dit, reste pas gagné pour plein d'héros. Zéro gars, c'était la game. Maintenant, ma vie là sur la côte, moi qu'avec la côte de poids, c'est pas cahier, pas l'imposteur, qu'est la posture, j'ai pris dans la main, qu'est déposé sur du riz. La squale, la monture, c'est un qui vit cette façon risquée dans la vraie street, il a raqué. Au bras gauche, montez tout seul pendant que t'écoutes et t'es mytho. La squale, gros, c'est parti, pour toi, il est l'heure de partir. Tu m'as dit, tu m'as dit, reste pas gagné pour Bendero. Zéro gars, c'était la guine, maintenant à 4, je mon César. Ma vie là sur la côte, moi qu'avec la côte de poids, c'est pas cahier, pas l'imposteur, qu'est la posture, j'ai pris dans la main, qu'est déposé sur du riz. La squale, la monture, c'est un qui vit cette façon risquée dans la vraie street, il a raqué. Au bras gauche, montez tout seul pendant que t'écoutes et t'es mignon. La fois le gros, c'est parti, pour toi, il est l'heure de partir. Tu m'as dit, tu m'as dit, rien, c'est pas gagné pour péter. C'est regard, c'était la guine, maintenant à 4, mon César. Ma vie là sur la côte, moi qu'avec la côte de poids, c'est pas gagné, pas l'imposteur, qu'est la posture, j'ai pris dans la main, qui est déposé sur du riz. La fois la mort du riz, c'est un peu plus certain, son risque est dans la vraie street, il a raqué. Au bras gauche, montez tout seul pendant que t'écoutes et t'es mignon. La fois le gros, c'est parti, pour toi, il est l'heure de partir. La squad,